pasteur merveilleux au loin. MSG, avec des acclamations. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin? Nous allons prier. Est-ce qu'on peut prendre une chanson? Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Oh. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Garde-moi dans tes bras. Emmène-moi, Seigneur. Ce matin, dis emmène-moi, Seigneur. Oh, oh, emmène-moi en ce lieu, ce lieu où je veux être, juste seul avec toi. Tu es mon seul abri, garde-moi dans tes. Seigneur. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu ce matin? Parle à ton Dieu. Dis à Seigneur, Seigneur, je veux que tu me parles ce matin. Je veux que ta parole me touche ce matin. J'ai besoin de toi. Je veux que tu m'emmènes en ce lieu où je serai juste seul avec toi. Ce matin, je veux que tu me parles comme si tu me parlais seul. En un de secret. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, te disons merci infiniment ce matin pour ta grâce. Merci pour ce privilège que tu nous donnes ce matin de venir dans ta présence. Nous recommandons nos cœurs en tes mains, Seigneur, parle-nous. À travers ta parole ce matin, délivre quelqu'un aujourd'hui. À travers ta parole ce matin, donne la joie à quelqu'un ce matin. Apporte un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Que la vie de quelqu'un soit totalement changée à partir d'aujourd'hui. Seigneur, te disons vraiment merci. Saint-Esprit, nous t'invitons, viens et prends le plein contrôle. Parle à travers moi ce matin. Que je sois totalement effacé, que tu prennes le dessus. Seigneur, te disons vraiment merci pour ta présence en ce lieu ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Prenez place s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Je ne sais pas comment dire, mais il y a une mixture d'émotions en moi ce matin. Il y a un côté qui est triste et un côté qui est en joie. Yeah. Mais on remercie Dieu pour tout. Amen. Je ne sais pas si c'est, je dois le dire, mais hier, on a appris le décès de, de la maman de notre très cher frère Ali. C'est vraiment une nouvelle très terrible. Alléluia. Mais on remercie Dieu pour tout, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Et et c'est juste un au revoir. C'est que si un beau matin, tu partiras, je partirai. Peut-être c'est toi qui vas m'enterrer, mais c'est moi qui vais t'enterrer. Donc, la chose qui est plus importante, la plus importante, c'est où est-ce qu'on va se retrouver? Et est-ce que tu vas te retrouver en enfer ou bien au paradis? Tout dépend de ta décision à partir d'aujourd'hui. Amen. Et le côté qui est en joie, c'est un nouveau-né. Il y a Austin, la femme d'Austin qui a mis au monde. Alléluia. J'ai demandé si le bébé sera membre d'Inspiration Service ou bien Encounter. Elle a dit Encounter. Et je lui ai demandé qui a semé la semence. Bon, elle ne pouvait pas répondre. Alléluia. Amen. Donc, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse d'avoir accepté l'invitation. Et pour ceux qu'on n'a pas vu il y a des mois, ou bien comme Carole qui est de retour, on est content de te voir. Amen. Alléluia. La chorale, que Dieu vous bénisse pour votre travail. J'ai beaucoup aimé votre chant. Amen. Ce matin, nous allons continuer ce qu'on avait commencé la semaine passée. Amen. Mais avant que je ne continue, j'aimerais juste parler encore de notre vision 5-7. 5-7, c'est ça, non? 5-7, oui. Et nous allons commencer ça la semaine prochaine. Et cette année, nous sommes privilégiés d'avoir ce livre, L'Art du ministère. Alléluia. Je pense que beaucoup d'entre nous sommes appelés au ministère. Alléluia. Soit le ministère laïque, soit le ministère en plein temps. Alléluia. Qui est appelé au ministère en plein temps ici? Amen. Et qui est appelé au ministère laïque? Qui n'est pas appelé au ministère? Voici à cette personne qui ne lève pas la main. Donc, cette année, c'est ce livre que nous allons utiliser. C'est une lettre que notre père, l'évêque d'Aguirre-Mis, nous a écrite. Et je pense que c'est un livre que tout le monde doit avoir. Normalement, le prix, c'est à 50 Ghana Cedis. Mais pour cette occasion, le livre est vendu à 10 Ghana Cedis. Normalement, le livre, chez les anglophones, c'est normalement 20 Ghana Cedis. Mais si Simon a dit non, qu'elle préfère qu'on l'achète à 10 Ghana Cedis. Donc, je pense qu'on a un très bon pasteur. Amen. Donc, s'il vous plaît, je vous ai dit que le prix peut changer. Donc, si quelqu'un ici ce matin veut avoir ce livre, mais tu veux offrir ça à quelqu'un, lève la main. Les livres sont disponibles. Qui veut un livre ce matin? Bon, il y a des gens qui sont là. Est-ce qu'en quelques secondes, on peut leur donner le livre? Prenez le livre et remettez l'argent. OK? Que personne ne prenne le livre et dise, « Oh, je vais donner ça mercredi. » S'il vous plaît. Je suis sûr qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore payé le livre le rocher, hein? Ils n'ont pas encore payé pour le rocher. Waouh! Le livre qu'on avait utilisé pour le jeûne. Il y a des gens qui n'ont pas toujours payé pour ça. Ok. Essayez de vous. Le prix peut changer, donc prenez le livre. C'est un très bon livre qui va vous aider. Vous pouvez l'acheter puis offrir ça à quelqu'un également. C'est qu'elle fait son anniversaire. Amen. La semaine passée, je parlais d'un sujet qui effraie un peu, qui est difficile à prêcher. J'avais posé la question, c'est un homme trompe-t-il Dieu? Et beaucoup d'entre nous, on avait répondu, c'est pas possible qu'un homme puisse tromper Dieu. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Malachie 3? Malachie 3, verset 7. La Bible dit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Alléluia. Le verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Est-ce que quelqu'un pense qu'il a une fois trompé Dieu ici, après avoir lu ce passage? Amen. Et je disais la semaine passée que la dîme, c'est la dixième partie de ce que nous recevons. Peut-être ton western, peut-être ton salaire. Et ça ne dépend pas du montant. C'est un principe que Dieu a établi dans la Bible. Le plus souvent, lorsque tu prends ce genre de message, les gens se disent, « Oh, l'Église veut nous demander de l'argent. » L'Église a besoin. C'est pas que l'Église a besoin de l'argent. Mais c'est que Dieu veut bien vous bénir. Parce qu'il y a une malédiction qui est attachée au non-paiement de la dîme. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes maudits à cause de cela. Et si le pasteur de l'Église n'ouvre pas la bouche pour dire au peuple de payer la dîme, pour sortir de cette malédiction, vous serez surpris de voir que vous êtes en train de vous débattre dans la vie. Mais les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a une malédiction qui vous poursuit. Il y a une malédiction qui vous poursuit. Et beaucoup de personnes sont poursuivies par cette malédiction. Et la première des choses que Dieu dit, c'est qu'il va reprendre celui qui dévore. Qu'il va le chasser. Et ce que beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué que l'argent que vous recevez, disons que vous avez reçu, disons, 10 000 Ghana Cedis. Et votre dîme, c'est 1 000 Ghana. Lorsque tu compares 10 000 Ghana Cedis à 1 000 Ghana Cedis, ce n'est pas aussi comparable, c'est 10%. Mais tu seras surpris que tu as fini même de dépenser ces 10 000 et les 1 000, tu es sur les 1 000 Ghana comme si c'était, comment appelle-t-on, comme si tu n'avais jamais reçu 10 000 Ghana Cedis. Yeah. Alléluia. Et tu vas voir que ton argent est parti d'une manière bizarre. Et lorsque tu fais réellement les calculs, c'est vrai que tu as réellement dépensé cet argent. Soit tu es tombé malade, soit tu es là, l'électricité, ton compteur a commencé maintenant à filer. Yeah. Le gaz qui finit chaque semaine. Tu remplis le gaz, la bouteille de gaz, la semaine prochaine, ça finit. Tu es là, on te dit, oh mais tu souffres d'une maladie. Et la maladie, est pour payer les frais d'hôpital, tu pars à l'hôpital, on te donne une facture de 5 000 Ghana Cedis. Yeah. C'est mieux pour nous de respecter les principes de Dieu, les ordonnances de Dieu. Alléluia. Et la semaine passée, je parlais, je disais qu'il y a 3 avertissements dans la Bible. Et je pense que ce sont juste des passages dans la Bible que je vais lire ce matin. Que Dieu... En fait, ce sont des avertissements que Dieu envoie à ses enfants pour ceux qui ont oublié Dieu. Parce que si tu ne paies pas ta dîme, c'est que tu as oublié Dieu. Tu ne sais pas d'où vient ta source de bénédiction. Je te demande l'argent que tu reçois, c'est toi qui travailles, ce n'est pas Dieu qui travaille à ta place. Et tu ne reconnais pas Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, si nous avons le souffle de vie, nous arrivons à respirer, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que sans vous mentir, hein, respirer, ça coûte très cher. Aller à l'hôpital pour voir certaines personnes qui n'arrivent pas à respirer. Ils doivent avoir les tubes partout sur leur corps. Ils n'arrivent pas à respirer. Et ça leur coûte très cher. Mais toi, ce matin, tu respires. Et puis tu prends l'air de toute la salle même. Sans pour autant payer quelque chose pour cela. Alléluia. Ce matin, nous allons rapidement lire ces avertissements. Alléluia. L'avertissement prophétique, les avertissements prophétiques dosés aux croyants prospères. Alléluia. Aux personnes qui se croient prospères, arrivées. Osée chapitre 2. Osée, c'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible. C'est après Apocalypse. Qui a sa Bible ce matin? Qui n'a pas sa Bible? qui a besoin d'une Bible. Et où est Yannou? J'ai demandé à Yannou de bénir quelqu'un avec une Bible. Je ne sais pas s'il l'a fait. Have you received your Bible? You have not received it. Yannou. Ok. Osée 2, le chapitre 8. Alléluia. La Bible dit, elle ne m'a pas reconnu que c'est... Non, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnait le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Alléluia. Ici, c'est un passage qui fait un peu peur. Parce que la Bible dit, tu as oublié que c'est moi qui t'ai donné ces choses, que c'est moi qui te prodiguais ces biens. Et l'argent que je t'ai donné, l'or que je t'ai donné, tu l'as utilisé pour le service de Baal. Baal, c'est qui? Baal, c'est le diable. Tu sers plutôt le diable. Ce que moi je t'ai donné, le souffle de vie que moi je t'ai donné, tu l'utilises pour servir plutôt le diable. Yeah. Beaucoup d'entre nous, le souffle de vie que Dieu nous donne, je sais qu'il y a toujours des gens ici. Et excusez-moi de dire, mais nous sommes dans la maison de Dieu, je dois dire la vérité. Yeah. Nous venons à l'église, mais nous partons toujours en boîte de nuit. Yeah. Et lorsque nous partons en boîte de nuit, ce n'est pas une petite somme que vous dépensez. Yeah. C'est vrai que peut-être on vous invite pour partir, mais vous l'utilisez pour le service de Baal. Parce que lorsque vous partez là-bas, vous ne vous asseyez pas. Ou bien, lorsqu'on part en boîte de nuit, on laisse s'asseoir. Hein? Yeah, on danse. On danse. Et c'est pourquoi c'est bizarre. Beaucoup, qui ici aime pas partir dans une boîte de nuit? Dis ta vérité pour que le diable soit dans la honte. Qui aime pas partir en boîte de nuit? Hey, tous ces gens ne sont pas partis en boîte. Waouh! Oh, c'est bien. Oh, ok. Qui aussi? Ah, celle aussi n'est pas partie en boîte de nuit. Oh, tu n'aimes pas partir, hein? Moi, pas la grâce, j'ai jamais mis pied dans une boîte de nuit. J'ai jamais mis pied. J'ai toujours voulu voir ce qui se passait là-bas. Mais je me demande, un coin qui est noir, beaucoup de jeux de lumière, les gens qui dansent avec les sueurs, les gens qui fument dedans, partir dans, et on appelle ça une boîte. C'est pas aéré, c'est une boîte fermée. Yeah. Mais on l'utilise pour le service. Et lorsqu'on vient le dimanche matin pour qu'on puisse danser dans la présence de Dieu, on ressent, on est maintenant les diplomates. Yeah. On joue maintenant les diplomates. Alléluia. La Bible dit, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. La suite du verset du passage dit, c'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enleverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Qu'est-ce que la Bible veut dire là-bas? C'est que, beaucoup d'entre vous, hein, Dieu, c'est pas encore le moment pour vous d'être béni, mais Dieu vous bénit. C'est pas encore la saison pour vous d'être béni, mais Dieu vous bénit. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Ce n'est pas le temps pour toi-même d'obtenir ce travail, mais tu l'as obtenu. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, je vais maintenant répondre le blé en sa saison. Je ne vais plus faire certains miracles dans ta vie. Certaines personnes parmi vous, vous serez surpris de voir que vous serez prospères. Vous allez travailler dans des grandes boîtes, vous serez des managers, vous serez... Mais n'oubliez pas Dieu. Yeah. Et Dieu est en train de dire, parce que tu es prospère et tu m'as oublié, je vais répondre maintenant mon blé en sa saison. Autant opportun, tu auras ce que tu as semé. Alléluia. Et la Bible est en train de dire ici que ce que moi je t'ai donné, tu l'as consacré au service de Baal. Le talent que je t'ai donné, tu l'as consacré au service de Baal. L'argent que je t'ai donné, tu l'as consacré au service de Baal. Les musiques que vous dansez dans les boîtes de nuit, et ce sont les musiques chrétiennes. Est-ce que vous pouvez chanter « Garde-moi dans tes bras » en boîte? Hein? Ou bien « Attire-moi à toi » en boîte de nuit? Ça dépend aussi. Les gens peuvent chanter ça en boîte de nuit. Yeah. Est-ce que vous n'êtes pas parti? Ce qui est bizarre, en boîte de nuit, vous partez et puis le DJ met, comment appelle-t-on, un chant « Alléluia » dans le chant. Et les gens sont contents de danser. Non, on risque de le gifler. Mais nous utilisons ce même chant-là. Chez nous, à la maison, nous dansons avec. Yeah. Alléluia. Et la Bible est en train de dire que nous utilisons ce que Dieu nous a donné au service de Baal. Amen. Je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Il dit, j'enleverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Ouais, parce que vous ne respectez pas Dieu. Vous utilisez les choses de Dieu au service de Baal. Et Dieu, jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours couvert. Personne ne voit ce qui se passe. Et Dieu dit, je vais enlever ce qui te protège. Je vais enlever ce qui te couvre pour que les gens puissent voir réellement ta nudité. Yeah. On vient le dimanche matin, on peut voir que cette personne partie en boîte de nuit. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de Dieu. On n'a plus peur de Dieu. Moi, lorsque j'avais donné ma vie à Christ, j'étais dans une église de jeunes. Et ça m'avait beaucoup affecté parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui faisaient des bêtises. Les 31 nuits. Lorsque le pasteur est en train de prêcher, parce que l'église, il y avait, vous voyez, comme disait ce cathédrale, il y a, comment appelle-t-on, le balcon. Il y a les jeunes, c'est l'endroit des jeunes. Les gens étaient là-bas avec les filles, ils se touchaient, ils faisaient les dans l'église. Yeah. Yeah. Il y avait, comment appelle-t-on, un des fils du pasteur, lui, c'est un très bon pianiste. Il se levait de la boîte de nuit pour venir jouer dans l'église. Arrêtons de nous amuser avec Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, je vais enlever ce qui te protège, ce qui te couvre. Et personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Lorsque j'ai demandé à des gens qui partent en boîte de nuit, les gens n'ont pas levé la main. Peut-être que tu es parti en boîte de nuit cette semaine, tu chantes à la chorale. Tu es venu chanter ta nanana. Yeah. Et nous on enjoy. On te prend comme super spirituel. Tu es même venu danser même ici ce matin. On ne sait pas. Mais Dieu dit, je vais enlever ce qui te couvre. Et on verra ta nudité. On verra ta nudité. C'est un avertissement. Que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. La suite du verset dit, et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants. Et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser cette joie. Toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et ses solennités. Alléluia. Ouais, la joie que tu as, Dieu va arrêter cette joie dans ta vie. Parce que ce qu'il t'a donné, tu l'utilises au service de Baal. Tu n'auras plus ces fêtes que tu avais. Cette joie que tu avais, cette paix que tu avais, Dieu va l'enlever parce que tu es en train d'utiliser ce qu'il t'a donné au service de Baal. Et mes frères, je vais vous dire une vérité. Hein. Je ne suis jamais parti en boîte de nuit. Il y a certaines choses, je n'ai jamais fumé par la grâce de Dieu. J'aurais aimé venir ce matin vous dire, j'ai une fois fumé dans ma vie. Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui ont vécu ce genre de vie et ça n'amène nulle part. Et toi-même, tu le sais. La réalité, c'est que nous sommes en train de grandir. L'âge que tu avais il y a de cela, 5 ans, l'énergie que tu avais. Moi, à un âge, je disais aux gens que tu ne peux pas courir plus que moi. Hey, lorsqu'on parle de vitesse, tu ne peux pas. Je pouvais défier tout le monde. Mais aujourd'hui, tente-moi, tu vas voir, je suis la dernière personne. Au moins, je vais quand même dépasser Austin. Au moins, une personne, je vais dépasser. Austin, Rodrigue. Qui aussi? Bernice. Merci. J'ai dit ça, Bernice. Alléluia. La Bible dit, je ravagerai ses vignes et ces figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Yeah. Oh, c'est assez du, verset, du passage. Je lis de, dans Osée 8, du verset 8 au verset 13. Yeah. Osée 2, sorry, j'ai dit Osée 3. Osée 2, 8 à 13. Alléluia, je ravagerai ces vignes. Ces choses que tu disais que, oh, c'est j'ai un travail, je travaille maintenant à l'ONU. Je travaille maintenant à Schlumberger. Il y a un frère qui était ici, il avait quitté, il a été départi, il a trouvé un travail. Il dit qu'il n'arrive à s'asseoir dans un pays pour quelques jours, c'est un problème pour lui. Il ne fait que voyager, c'est le travail qu'il a trouvé. Il ne fait que voyager. Yeah. Oh, mais ce n'est pas le travail que vous voulez faire. Yeah, voyager. À chaque fois, on dit, oh, tu es où présentement? Je suis au Japon. Ouais, tu es présentement, je suis aux États-Unis. Oh, je suis en Afrique du Sud pour une réunion. Oh, tiens, c'est le travail qu'il a trouvé. Et à un moment donné, il ne sait même plus Dieu aujourd'hui. Il a totalement oublié Dieu. L'argent, il a l'argent. Hein? Il met souvent les photos sur Facebook avec les vestes qu'il a. Moi, tu sais, tu peux mettre toutes les vestes de ce monde. Ça ne va jamais m'impressionner. Parce que la veste que je porte présentement, personne ne connaît la marque. Ok. Personne ne connaît la marque. Tu peux mettre, tu peux dire que c'est Christian Dior. Il y a Christian Dior aussi fait les vestes aussi. Il y a Cardin qui fait les vestes. Personne qui peut me montrer, Moi par exemple la chaussure que je porte, c'est une chaussure de marque. Oh, c'est une chaussure de marque. La veste que je porte, il y a une marque dedans, mais qui le sait? Et qui et les gens même s'en foutent même. Les gens, ça ne leur dit rien du tout. Mets ses photos sur Facebook, ce qu'il a, sa voiture, les choses qu'il possède. Et tu as oublié Dieu. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, hier, je disais à prière clinique que, j'espère prendre le temps, que lorsque tu prends, beaucoup d'entre vous qui aimeraient bien avoir quelqu'un qui travaille en tant que pilote, mais tu veux travailler en tant que pilote. Ah ben, est-ce que ce n'est pas un bon travail? C'est un bon travail, non? Oh non, disons la vérité. C'est un bon travail. Disons la vérité. Lorsque tu vas à l'aéroport, tu n'attends personne. Ils sont souvent respectés. Yeah. Mais lorsque tu compares le pilote et puis le travail de quelqu'un qui d'un chauffeur de trottoir, c'est presque la même chose. Qu'est-ce que le pilote fait? Il prend les gens d'un pays à un autre. Il fait descendre les gens remontent et puis il prend et continue. Qu'est-ce que le 3-3 fait? Hein? Donc, c'est dit que le pilote, c'est juste un chauffeur de 3-3 qui est glorifié. Yeah, qui est glorifié, c'est tout. Sinon, un pilote, c'est aussi c'est un chauffeur de 3-3. C'est juste que, bon, là-bas, lorsque tu rentres, il y a trop de boutons qui sont là. C'est tout. Sinon, lui aussi, il fait le travail de 3-3. Il met les gens à l'intérieur. Il va dans une autre ville ou bien dans un autre pays, il descend là-bas, il continue pas encore d'autres personnes pour revenir. Yeah. Mais si on te demande aujourd'hui d'être pilote et d'être pasteur, tu préfères être pilote. Yeah. Et le travail de pilote, c'est qu'il est très risqué. Tu peux aussi partir ne plus revenir. Alléluia. Et Dieu est en train de dire ce matin, vous m'oubliez, moi-même mis de côté. Et ce que moi je vous ai donné, vous l'utilisez au service de Baal. Dieu vous a donné la jeunesse. Utilisez votre jeunesse pour Dieu. Votre vie, le souffle de vie que vous avez, que personne... Aujourd'hui, hein, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Et beaucoup de docteurs sont en train d'essayer de les ranimer, de leur donner des médicaments pour leur permettre de pouvoir vivre. Mais ils n'arrivent pas. Et toi, tu as le souffle de vie ce matin. Tu ne sais même pas comment tu respires. Est-ce que tu comprends même ce mécanisme? On vous a expliqué ça en classe de ce dernier, de CM2, c'est en quelle classe? Ça fait longtemps, tu ne comprends même pas. Mais tu respires quand même. Yeah. Alléluia. Amen. Dieu est en train de prévenir certaines personnes ce matin. Et je pense que nous sommes en train d'être changés. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis en train de changer. Je ne vais plus utiliser mes dons ou bien l'argent que j'ai, l'or que j'ai au service de Baal. Alléluia. Amen. Deuxième avertissement. Nous allons vite faire pour partir. Avertissement prophétique de Jérémie aux croyants oublieux. Jérémie 3, verset 20, verset 22. Jérémie 3, 20 à 22. La Bible dit, mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Comment une femme est infidèle avec son amant? Comment ça se passe? Maggie, tu sais comment ça se passe? Son amant, son mari, pas son mari. Ok, mais quelqu'un qu'elle aime. Elle est infidèle à cette personne. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais qui a été une fois jaloux ici? Jalousie. Parce que la personne, tu n'as pas confiance en la personne. Tu trompes la personne. Et c'est ce que Dieu est en train de dire ici. Vous m'avez été infidèle, maison d'Israël. Comme une femme est infidèle envers son amant, la personne qu'elle aime. Parce que la femme aime plus l'amant que son mari. Mais ce n'est pas vrai. Mais dans le bon terme, dans le bon français, je pense que amant ici veut dire son mari. Parce que vous êtes habitué à utiliser les mots dans le mauvais sens. Pourquoi on le prend amant? Amant, c'est quelqu'un qui en fait, c'est ton copain. Comment on appelle ça? Quelqu'un avec qui tu sors. Tu es ton mari, tu as ton mari, mais tu sors avec quelqu'un d'autre. Mais amant réellement, c'est ton mari. Tu es intime. Avec qui tu es intime. Alléluia. Vous avez été infidèle envers moi, maison d'Israël. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Alléluia. Ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous avez oublié Dieu. C'est pourquoi vous ne payez pas votre dîme. Je reviens toujours sur mon sujet de vous avez oublié Dieu. Vous avez prié. Est-ce que personne, ça leur arrive? Un jour, j'étais à prière clinique et je disais, Dieu va vous supprimer, Dieu va faire quelque chose pour vous. Et juste après le service, une soeur qui était venue me voir m'a dit non, elle n'avait que 1 CD dans sa poche. Et lorsque je demandais de venir donner l'offrande, elle a donné ses 1 CD, elle n'avait plus rien sur elle. Et après le service, après prière clinique, elle a reçu ses 10 chiffres. On l'a appelée pour lui dire, son père lui a envoyé. Et ça fait longtemps que son père lui a envoyé de l'argent, juste après le service. Mais le problème se pose, c'est que je me demande, je prie qu'elle a payé sa dîme, je suis qu'elle a payé sa dîme. Mais beaucoup d'entre vous avez eu à passer par ce genre de situation. Je me souviens lorsque Austin était là, il n'avait pas le travail. Il me fatiguait chaque jour. Tel gars envoyé, je l'ai même trouvé de certains endroits. Il est parti, ça n'a pas marché, interview sur interview. Et aujourd'hui, il va dire qu'il a oublié Dieu. Tu seras maudit. Tu seras maudit. Alléluia. Ouais, sincèrement, quelqu'un qui oublie, c'est quelqu'un de vraiment une personne très méchante. Quelqu'un qui oublie. Moi, il y a une chose qui me garde et je prie toujours pour cela. Je dis, Seigneur, permets de ne pas oublier. Permets de ne pas oublier. Père, ma fille a fait quelque chose que je garde dans mon cœur. Et le jour où il va m'offenser, je vais utiliser cette chose-là pour dire, non, je pardonne à ma fille. Ceux qui oublient ne sont pas dignes de confiance. Dieu qui vous a béni. Je me souviens le jour où j'avais donné ma vie à Christ et j'ai vu les choses changer dans ma vie. Avant, tu buvais, on te retrouvait dans les caniveaux. Mais aujourd'hui, maintenant, tu es en cravate. Tu es en train de leader, praise and worship. Tu prêches la parole de Dieu. Et tu as oublié. À cause de la prospérité, à cause de quoi? À cause des choses, des situations de la vie. Et Dieu dit, comme une femme est infidèle envers son amant, vous avez été infidèle envers moi. Et ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. N'oubliez pas Dieu dans votre vie. N'oubliez pas Dieu dans votre vie. Nous sommes jeunes et la partie la plus importante de votre vie, c'est votre jeunesse. Lorsque vous allez commencer à grandir, vous allez voir que vous-même serez sage. la sagesse ne viendra, ça viendra automatiquement. Parce que tu as eu à endurer certaines choses. Yeah. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu es en train de dire à quelqu'un, tu m'as oublié. Tu m'as mis de côté. À cause de tes études, à cause de comment appelle-t-on ton travail, à cause de ce bilot, ce gars que tu as trouvé, tu m'as oublié. Aujourd'hui, tu peux te lever et puis parler avec cette personne de 6h à 18h. Non-stop. Des fois, tu appelles la personne, comme il y a maintenant les fruits natcon. Il y avait quelque chose que Tigo faisait dans le temps. Tu paies un montant pour le mois, pour une personne. Et j'avais fait l'erreur là de faire ça avec ma fiancée qui est ma femme aujourd'hui. Hey! J'arrive au boulot à 6h, à 7h, 7h30, 8h. Je suis là debout dans le parking en train de parler avec elle. Elle parle, elle est finie. Elle parle, je dis, hey, Seigneur Jésus! Et c'est ça, ça va s'arrêter un jour. En ce temps, je faisais semblant. Aujourd'hui, elle remarque que le gars n'aime pas trop parler. Pardonne-moi. Oh. À ce moment-ci, je voulais seulement te marier et puis c'est fini. Yeah. Alléluia. Yeah. Vous passez du temps avec un être humain qui va te tromper un jour, qui ne t'aime pas. Les soeurs, moi je vais vous dire une vérité. Oh. Lorsqu'un frère vient te dire, je t'aime, tu me poses la question, qu'est-ce que tu aimes sur moi? Pas en moi, oh, sur moi. Parce qu'il a vu quelque chose sur toi qu'il aime. Yeah. Soit c'est la hanche, soit c'est la poitrine. Les frères, ne me regardez pas mal, c'est la vérité ou bien? C'est pas la vérité. Oh, les frères, dites la vérité. Oh, les frères, dites la vérité. Yeah. Il n'y a rien en toi qui... L'homme n'a rien vu en toi. Oh. C'est sur toi. Yeah. Est-ce qu'il dit qu'il t'aime? C'est la vérité, je suis un homme. C'est la vérité. C'est pas tu ne vois rien, c'est après que tu vois réellement ce qui est en la personne. Tu dis, ah, si j'avais su. Cette beauté, cette poitrine m'a trompé. Yeah. Cette poitrine m'a trompé. Si j'avais su seulement que la poitrine, là, ce n'était pas vraiment une poitrine, c'était un soutien qui tenait le truc en l'air. Yeah. Alléluia. Yeah. Hey, les frères, il faut prier. Si tu dis que tu aimes une soeur, aime vraiment la soeur. Parce que ce que tu vois, c'est juste... Si vous demandez à toutes les sœurs d'aller laver leur visage dessus, vous serez surpris. Ou bien vous demandez, est-ce qu'on peut enlever ce qui est sur ta tête pour voir? Il n'y a pas de cheveux. Alléluia! Troisième avertissement, on va partir. Avertissement d'Ésaïe. Appelons le peuple a apporté les offrandes au Seigneur. Ésaïe 43, 19 à 24. Voici, je fais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches. Parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. La suite dit, et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Dieu n'a jamais tourmenté quelqu'un pour ses offrandes. Dieu n'a dit, je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes. Et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu ne m'as pas pris d'argent acheté pour moi. Tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi. Est-ce que c'est correct ce que je lis? Tu n'as pas appris d'argent. Merci. Je lis l'anglais puis je vois le français. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des ornements ou aromates. Et tu n'as pas rassasié de la graisse et des sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Et tu m'as fatigué par tes iniquités. Dieu est en train de dire, tu ne m'as rien donné. Oh. Tu n'as pas donné ta dîme. Tu n'as pas donné tes offrandes. Mais tu m'as plutôt tourmenté. Fatigué par tes iniquités. Yeah. Tu m'as plutôt fatigué. À chaque fois tu viens vers moi, tu t'agenouilles. Oh Seigneur, je suis parti encore. J'ai forniqué. Ah, je te pardonne, vas-y. Demain encore tu reviens. Oh Seigneur, je suis parti, j'ai volé. Aie pitié de moi. Demain encore tu reviens. Tu m'as tourmenté, tu m'as fatigué. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Tu m'as fatigué, tu ne m'as rien donné. Aucun sacrifice. Aucun sacrifice, tu n'as rien donné. Mais tu m'as plutôt tourmenté. Et c'est Dieu qui parle. Tu tourmentes Dieu par tes péchés. Par tes péchés. Chaque jour que Dieu fait, tu viens seulement tes péchés, mais tu ne me donnes rien en retour. Alléluia. Yeah. Vous dites à beaucoup de personnes, je t'aime, mais l'amour, tu donnes et puis tu reçois. Mais Dieu lui donne, mais il ne reçoit rien de notre part. Et tout ce qu'il demande, c'est 10% qu'il te demande. Au fond, ta vie, donne-moi ta vie. Tu me tourmentes. Et Dieu dit, je suis fatigué. Tu m'as plutôt fatigué par tes iniquités. Alléluia. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin. Arrête de fatiguer Dieu. Yeah. Tu m'as tourmenté. Tu ne m'as pas appris d'argent. Acheté pour moi des aromates. Tu n'as rien acheté pour moi. Tu n'as rien fait. Lorsqu'on vient à l'église, ouais, construire une salle comme ça, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Tu n'as rien fait pour moi. Mais tout ce que tu as eu à faire, c'est de me tourmenter. Tu ne m'as pas rassasié. Aucune louange. Tu ne fais rien pour moi. Même passer du temps avec moi-même, tu ne le fais pas. Mais à chaque fois, moi, je dois te bénir. C'est un avertissement, mes frères. Un avertissement. Un avertissement. Tes iniquités, au jour le jour. Dit, ah, je n'arrive pas à arrêter, la fornication c'est fort, c'est vrai que c'est fort, mais tu peux arrêter si tu veux. Yeah. Si tu partais, si normalement quand tu pars forniquer, il y a un feu qui te brûle là-bas, est-ce que tu vas encore repartir? Si tu reviens le dimanche matin, on te voit marcher comme ça, ah, le frère est parti. Yeah. Yeah, ou bien aussi. Yeah, si tu pentes, tu es brûlé, quelque chose te brûle là-bas, tu ne vas plus repartir. Par exemple, quand vous repartez tous, c'est parce que c'est doux pour vous. Ou bien, les frères ici, là, ils cachent seulement le visage. Yeah, c'est parce que c'est intéressant pour vous. C'est pourquoi vous continuez toujours à tourmenter Dieu. Vous continuez toujours à faire du mal à Dieu, à tourmenter Dieu par tes péchés. Et tu es en train de fatiguer Dieu. Tu ne peux pas arrêter. Mais s'il y avait un problème là-bas, tu allais arrêter. Tu allais arrêter. Si on te disait qu'aujourd'hui, tu as le sida. Yeah. Et là aussi, tu vas demander à Dieu. Après avoir forniqué, et tu as maintenant pris le sida, tu vas venir toujours ici, prier à la clinique. On t'impose les mêmes. Tenir point de vite. Tu viens. Pour qu'on puisse prier, pourquoi? Pour que Dieu puisse, comment appelle-t-on, te guérir. Non. Arrêtons de nous amuser avec Dieu. Arrêtons de nous amuser avec Dieu. Après avoir tout fait, c'est lui encore qui doit encore prendre soin de toi. Un miracle, Seigneur, j'attends mon miracle. Après que tu as tout fait avec les hommes dans ce monde, tu cherches maintenant un enfant, tu ne trouves pas. Après avoir tout fait, tu cherches un homme même pour te marier, personne ne veut te marier. Yeah. La malédiction, vous poursuit. Et Dieu dit, tu ne m'as rien offert, tu ne m'as rien donné. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir à Dieu ce matin? Et ce matin, la première des choses que nous devons donner à Dieu, c'est vrai que Dieu a besoin d'une offrande de ta part. Et lorsque on parle d'offrande, on parle de sacrifice. Dieu veut d'abord que tu lui donnes ta vie. Alléluia. Dieu veut d'abord que tu lui donnes ta vie. que tu dises, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Prends ma vie telle qu'elle est. C'est vrai que ma vie, mon histoire n'est pas une histoire qui est... Si on devait projeter l'histoire de beaucoup de personnes sur l'écran ce matin, vous allez fuir cette salle. Si on commence aujourd'hui, on met l'histoire d'Olivier sur l'écran. Vous allez dire, moi jamais dans la vie, Olivier ne va plus me prêcher la parole de Dieu. Ce qu'il a eu à faire dans son passé. Mais Dieu, il est prêt à effacer ton passé et à te donner une nouvelle vie. Dieu est prêt à effacer ton passé, ce que tu as fait dans le passé, te donner une nouvelle vie. Et ce matin, Dieu te tend la main. Dieu te dit, tu ne m'as rien donné. Mais aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je ne vais plus te tourmenter. Parce que ma vie t'appartient maintenant. Maintenant, si je continue toujours à pécher, c'est peut-être sa cause, c'est quoi? Si tu as, mais tu me permets. Mais à partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Je ne veux plus marcher dans cette vie sans toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Nous allons passer quelques minutes dans la présence de Dieu. Nous allons prier. Et j'aimerais bien que tu puisses élever ta voix ce matin, prier pour toi-même. Je ne sais pas la condition. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé de trois avertissements. Je ne sais pas ce qui est relié à ta vie. Mais ce matin, j'aimerais bien que tu puisses prier. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. La première des choses que tu pourras donner à Dieu, c'est ta vie personnelle. Et Dieu n'attend rien de nous. C'est nos relations personnelles avec lui qui lui comptent. Lorsque le jour où tu te tiendras au ciel, tu diras à Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'étais hacheur dans l'église. Je nettoyais l'église. Lorsque tu viens dans l'église, tu vois le sort de l'église. Ça brille. Je l'ai fait pour toi. J'ai guéri des malades en ton nom. Mais Dieu te dira, je ne t'ai point connu. Éloigne-toi de moi, toi qui connais l'iniquité. Et ce matin, Dieu veut tendre la main à quelqu'un. Dieu veut dire à quelqu'un, mon fils, ma fille, je t'aime. Ce matin, alors que tous les yeux sont fermés, alors que je suis en train de parler, Dieu est en train de parler à ton cœur. Et ce message, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi en particulier. Et Dieu est en train de te dire ce matin, je ne sais pas qui tu es. Peut-être tu es zonal, peut-être tu es pasteur, peut-être tu es évêque, tu ne sais pas. Tu es membre de la chorale, tu es berger, tu es un nouveau venu. Dieu te parle. Parce que le jour où nous allons partir sur cette terre, c'est soit l'enfer ou le paradis. Et Dieu te tend la main ce matin, Dieu te dit, mon fils, ma fille, tu ne m'as rien donné. Tu m'as toujours tourmenté par tes péchés. Tu m'as toujours tourmenté. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Mais ce matin, je te tends la main. Viens à moi. Si tu es ici ce matin, alors que les yeux sont fermés, que tous les yeux soient fermés ce matin. Tout le monde, fermez vos yeux. Si tu es ici ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Fais-moi seulement un signe de la main là où tu te trouves. Nous allons prier ensemble. Si tu es ici ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu es hacheur, tu es zona, tu veux donner ta vie, tu veux renouer même ta relation avec Dieu. Fais-moi seulement signe de la main là où tu te trouves. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus. Fais-moi seulement signe de la main là où tu te trouves. Dieu veut donner une seconde chance à quelqu'un ce matin. Et je ne voulais pas partir d'ici sans pour autant te donner cette opportunité de pouvoir faire la paix avec Dieu. Si tu es ici ce matin, tu veux reconcilier ta relation, tu veux renouer ta relation avec Dieu, fais-moi signe de la main là où tu te trouves. Et si tu as levé la main, je ne sais pas si tu as levé la main ou pas, viens seulement vers moi, nous allons prier ensemble. Si tu es ici ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus, viens vers moi, ma soeur. Viens vers moi, viens, nous allons prier ensemble. Viens, nous allons prier ensemble. Dieu est en train de parler à beaucoup de gens ce matin. Et ce qui se passe, c'est que nous disons, demain, je vais accepter Jésus. Demain, je vais le faire. Mais je me demande si demain, tu auras cette opportunité. Viens ce matin si tu veux donner ta vie à Jésus. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens seulement. Pense à ta vie, là où tu es présentement. Viens vers moi si tu veux donner ta vie à Jésus. Dieu est en train de toucher au cœur de beaucoup de personnes ici ce matin. Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Tu es en train de lutter contre un péché qui te fatigue chaque jour. Dieu dit, donne-moi ta vie. Je vais changer ta vie à partir d'aujourd'hui. Si tu es là ce matin, viens vers moi. Viens vers moi, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez accepté l'appel de Dieu ce matin. Votre vie à partir d'aujourd'hui ne sera plus la même, parce que Dieu va prendre le contrôle de votre vie. Et je vais vous demander ce matin de répéter cette prière après moi. Ce n'est pas une prière magique, mais moi aussi un jour j'ai fait cette prière. Nous allons juste répéter, dire: Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé ce matin. Pardonne-moi de t'avoir tourmenté, de t'avoir fatigué par mes iniquités. Ce matin, je te donne ma vie. Je ne t'ai rien offert, mais ce matin, je te donne ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Sois l'alpha et l'oméga de ma vie. À partir d'aujourd'hui, prends le plein contrôle de ma vie. Conduis-moi, Seigneur Dieu. Je ne veux plus continuer une seule seconde sur cette terre sans toi, Seigneur Dieu. Sois le Seigneur, le Sauveur personnel de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Seigneur, merci pour ton amour envers moi. Tous les liens que j'ai tissés avec l'ennemi, soit consciemment ou inconsciemment, je te demande pardon et je les détruis ce matin par le sang de Jésus. Seigneur, merci de m'avoir sauvé ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.